Chapitre 49e. Monsieur de Mornant, l'air satisfait, outrecuidant, s'inclina devant Mademoiselle de Beauménil et lui dit « Mademoiselle n'a pas oublié qu'elle m'avait promis cette contredanse. Veut-elle bien me faire l'honneur d'accepter mon bras ?»« Ça ne se peut pas, monsieur de Mornant, » dit à demi-voix monsieur de Maillefort, toujours appuyé au dossier du canapé où était assise Ernestine. Monsieur de Mornant se redressa brusquement, aperçut le marquis, et lui demanda d'un ton hautain « Quoi, monsieur, qu'est-ce qui ne se peut pas ?»« Vous ne pouvez pas danser avec mademoiselle de Beauménil, monsieur, » reprit le bossu toujours à demi-voix. Monsieur Mornant haussa les épaules avec dédain et s'adressant à Ernestine « Veuillez, mademoiselle, me faire la grâce d'accepter mon bras. » Interdite, confuse, Ernestine se retourna vers monsieur de Maillefort comme pour lui demander avis. Le marquis répéta cette fois d'une voix haute et grave en appuyant sur les mots « Mademoiselle de Beauménil ne peut pas, ne doit pas danser avec monsieur de Mornant. » Ernestine fut si frappée de l'accord presque solennel de monsieur de Maillefort qu'elle répondit à monsieur de Mornant en baissant les yeux « Je vous prie, monsieur, de m'excuser, mais je me sens trop fatiguée pour tenir la promesse que je vous ai faite. » Monsieur de Mornant s'inclina poliment, sans mot dire, devant Ernestine, mais en se relevant, il jeta un regard significatif au bossu. Celui-ci répondit à ce regard en montrant d'un coup d'œil au danseur désappointé une des portes de la galerie vers laquelle le bossu se dirigea, laissant mademoiselle de Beauménil dans une vive inquiétude. Cette scène, à l'encontre de l'exécution de monsieur de Macreuse, avait passé inaperçue. Les quelques mots échangés entre le marquis et monsieur de Mornant ayant été prononcés presque à voix basse, et cela au milieu de l'agitation qui accompagne toujours la mise en place d'une contredanse. Ainsi, à l'exception de mademoiselle de Beauménil, de mesdames de Senneterre et de la Rochegue, voisines d'Ernestine, personne dans le bal ne se doutait de ces préliminaires à une nouvelle exécution. Monsieur de Mornant, en allant rejoindre le bossu dans la galerie, fut successivement accosté par monsieur de la Rochegue et par monsieur de Raville, qui, de l'embrasure d'une porte, avait suivi avec inquiétude et sans les comprendre les péripéties de l'incident soulevé par monsieur de Maillefort. « Eh bien, » dit de Raville à monsieur de Mornant, « tu ne danses pas ?»« Que s'est-il passé, mon cher monsieur de Mornant ?» reprit à son tour le baron. « Il m'a semblé vous voir parler à ce maudit bossu, dont l'audace et l'insolence passent réellement en tous les termes. » « En effet, monsieur, » répondit le futur ministre, le visage contracté, « monsieur de Maillefort se croit tout permis. Il faut qu'une telle insolence ait un terme. Il a osé défendre à votre pupille de danser avec moi. » « Et elle a obéi, » s'écria le baron. « Que vouliez-vous que fît cette pauvre demoiselle après une injonction pareille ?»« Mais c'est intolérable, inqualifiable, incroyable !» s'écria le baron. « Je vais trouver ma pupille. C'est inutile, monsieur. Quant à présent, » dit monsieur de Mornant, et s'adressant à de Raville. « Viens-tu, il faut absolument que j'aie une explication avec monsieur de Maillefort. Il m'attend là-bas. Et moi, mon cher comte, je ne vous quitte pas. » Lorsque ces trois personnages s'approchèrent du bossu, ils virent auprès de lui messieurs de Moraville et de Hauterive et cinq ou six autres personnes rassemblées à dessein par le marquis. « Monsieur de Maillefort, » lui dit monsieur de Mornant d'un ton fort poli, « j'aurai quelques mots d'explication à vous demander. Je suis à vos ordres, monsieur. Alors, monsieur, si vous le voulez bien, nous irons dans le salon de tableau. Priez un de vos amis de vous accompagner. Non pas, monsieur. Je tiens à ce que notre explication ait autant de retentissement que possible. Monsieur, je ne vois pas pourquoi vous craindriez une publicité que je provoque. Eh bien, reprit monsieur de Mornant, je vous demanderai donc, devant ces messieurs, pourquoi, tout à l'heure, au moment où j'avais l'honneur d'inviter mademoiselle de Beauménil à danser, vous vous êtes permis, monsieur, de dire à cette jeune personne « Mademoiselle de Beauménil ne peut pas, ne doit pas danser avec monsieur de Mornant. Ce sont vos propres paroles, monsieur. » « Telles sont en effet mes paroles, monsieur. Vous avez une excellente mémoire. J'espère que tout à l'heure elle ne vous fera pas défaut. » « Et moi, je ferai observer à monsieur de Maillefort, » reprit le baron, « qu'il s'arroge un droit, une autorité, une surveillance qui m'appartiennent exclusivement, car en 10 ans, ma pupille, mon cher baron, » reprit le marquis en souriant et en interrompant monsieur de la Rochegue, « vous êtes le modèle, l'exemple, la merveille des tuteurs passés, présents et futurs. Je vous prouverai cela plus tard. Mais permettez-moi de répondre à M. de Mornant, que j'avais l'honneur de féliciter sur sa mémoire, et de lui demander s'il se souvient qu'au dernier bal de jour de Mme la Duchesse de Saint-Terre, je lui ai dit à lui, M. de Mornant, au sujet d'un insignifiant coup d'épée, que cette égratignure était une sorte de memento destiné à fixer dans son esprit la date d'un jour que, plus tard peut-être, j'aurai intérêt à lui rappeler. « Cela est vrai, monsieur, » dit M. de Mornant, « mais cette rencontre n'a pas le moindre rapport avec l'explication que je viens vous demander. Au contraire, monsieur, cette explication est la conséquence naturelle de cette rencontre. Parlez clairement, monsieur. Je vais être très clair. À ce bal, chez Madame de Saint-Terre, dans le jardin à gauche, sous un massif de lilas en présence de plusieurs personnes, et notamment de messieurs de Moraville et de Haute-Rive que voici, vous vous êtes permis, monsieur, de calomnier de la manière la plus outrageante Madame la Comtesse de Beauménil. Monsieur !» Sans respect, sans pitié pour une malheureuse femme, alors à l'agonie, reprit le bossu indigné en interrompant monsieur de Mornant. Vous l'avez lâchement insulté, et vous avez osé dire qu'un galant homme n'épouserait jamais la fille d'une femme aussi tarée que Madame de Beauménil. Et, à un mouvement de monsieur de Mornant qui pâlit de rage, le marquis s'adressant à messieurs de Moraville et de Haute-Rive, « Messieurs, est-ce vrai? Monsieur de Mornant a-t-il dit cela devant vous ?»« Monsieur de Mornant l'a dit en effet devant nous, » reprirent-ils. « Il nous est impossible de nier la vérité. » « Et c'est alors que moi-même, qui vous entendais sans vous voir, monsieur, » reprit le bossu, « c'est alors qu'emporté par l'indignation, je n'ai pu m'empêcher de crier « Misérable !»« Ah, c'était vous, monsieur !» dit de Mornant furieux de voir ce coup mortel porté à ses cupides espérances. « Oui, c'était moi. Et voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Mademoiselle de Beauménil qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne devait pas danser avec vous, monsieur qui avait publiquement diffamé sa mère. » Or, je demande à tous ceux qui nous écoutent si j'ai tort ou raison d'avoir agi ainsi. » Un silence accablant pour M. de Mornant succéda aux derniers mots du bossu. De Raville seul prit la parole et dit d'un air ironique. « Ainsi, M. le marquis de Maillefort se posait en paladin, en chevalier courtois, donnait un coup d'épée à un galant homme, en manière de memento, le tout pour l'empêcher un jour de danser une contredanse avec Mademoiselle de Beauménil. Le tout pour empêcher M. de Mornant d'épouser Mademoiselle de Beauménil, monsieur, car votre ami est aussi cupide que Mademoiselle de Beauménil est riche, ce qui n'est pas peu dire, et dans la conversation même que j'ai surprise pendant le bal de Madame de Saint-Terre, les vues de M. de Mornant se trahissaient déjà. En diffamant Madame de Beauménil, en faisant retomber les suites de ses diffamations jusque sur sa fille et même sur celui qui serait tenté de l'épouser, M. de Mornant espérait éloigner les concurrents. Cette infamie m'a révolté. De là, le mot de misérable échappé à mon indignation. De là, un prétexte trouvé par moi pour offrir à M. de Mornant la réparation qui, après tout, lui était due. De là, le coup d'épée en manière de memento. De là, enfin, ma résolution d'empêcher M. de Mornant d'épouser Mademoiselle de Beauménil. Et j'ai réussi, car je le défie maintenant d'oser paraître devant la plus riche héritière de France. Prononça-t-il encore 20 discours philanthropiques sur la pêche de la morue? Se présenta-t-il même sous votre patronage, baron? L'exemple, le modèle, la merveille des tuteurs, vous qui vouliez sacrifier l'avenir de votre pupille à votre ridicule ambition. » Une morne stupeur accueillit les paroles du bossu qui reprit « Pardieu, messieurs, ces vilainies se reproduisent si souvent dans le monde qu'il sera d'un bon exemple de les flétrir une fois. Comment? Parce que ces choses honteuses se passent, ainsi qu'on dit, entre gens de bonne compagnie, elles seront impunies. Comment? Il y aura une sellette, une prison pour de pauvres diables d'escrocs qui auront subtilisé quelques louis au jeu avec de fausses cartes, et il n'y aura pas un pilori pour y clouer des gens qui, à force de faux semblants, de bas mensonges, tentent de subtiliser une fortune énorme et complotent froidement les moyens d'enchaîner à jamais à eux une pauvre innocente enfant, dont le seul tort est d'avoir une fortune immense, et d'allumer à son insu les plus détestables cupidités. Et lorsque ces gens-là réussissent, on les accueille, on les loue, on les envie, on vante leur adresse, on s'extasie sur leur bonne fortune. Oui, car grâce à ces biens qu'ils ont acquis par des moyens indignes, ils vivent magnifiquement, entretiennent des maîtresses et font un pont d'or à leur ambition. La malheureuse femme qui les a enrichis, qu'ils ont trompés, verse des larmes de désespoir. On se jette dans le désordre pour s'étourdir. Pardon, messieurs, j'aurai du moins le bonheur d'avoir fait justice de deux de ces ignobles intrigues, car M. de Macreuse, que j'ai chassé tout à l'heure d'ici, avait les mêmes visées que M. de Mornant. Vous le voyez, les honnêtes esprits se rencontrent. Tu es joué comme un sot que tu es, c'est bien fait, dit tout bas de Raville à l'oreille de son ami, qui restait accablé. De ma vie, je ne te pardonnerai de m'avoir fait perdre la prime sur la dot. Les sentiments justes, élevés, généreux, ont parfois une telle autorité que, après les véhémentes paroles du bossu, M. de Mornant se vit généralement réprouvé. Aucune voix ne s'éleva pour le défendre. Heureusement, la contredanse finissant amena un mouvement dans les salons et dans la galerie qui permit au futur ministre de se perdre dans la foule, pâle, éperdu, n'ayant pu trouver un mot à répondre aux accablantes accusations de M. de Maillefort. Celui-ci rejoignit alors Mme de La Rochegue, qui n'avait pas encore été instruite, non plus qu'Ernestine, de cette dernière exécution. « Maintenant, dit M. de Maillefort à la baronne, il faut absolument que vous emmeniez Mademoiselle de Beauménil. Sa présence ici n'est plus convenable. Oui, ma chère enfant, ajouta le marquis en s'adressant à Mademoiselle de Beauménil. L'insupportable curiosité que vous excitez augmenterait encore. Demain, je vous dirai tout. Croyez-moi, suivez mon conseil, quittez ce bal. » Oh, de grand cœur, monsieur, répondit Ernestine, car je suis au supplice. Et la jeune fille se leva, prit le bras de Madame de La Rochegue, qui dit au bossu avec un accent de vive reconnaissance : Je comprends tout, mon cher marquis. Monsieur de Mornant était aussi sur les rangs. Nous causerons de tout cela demain. Mais en grâce, emmenez Mademoiselle de Beauménil à l'instant même. Ah, vous êtes notre providence, mon cher marquis, lui dit tout bas Madame de La Rochegue. Combien j'ai eu raison de me confier à vous. Certainement, mais de grâce, emmenez Mademoiselle de Beauménil. L'orpheline jeta un regard de reconnaissance sur le bossu et, troublée, presque effrayée des divers incidents de cette soirée, elle sortit du bal avec Madame de La Rochegue, tandis que M. de Maillefort resta chez Madame de Mirecourt, ne voulant pas paraître quitter cette maison à la faveur de l'espèce de stupeur que sa loyale et courageuse résolution avait causée. Le de Raville, en vrai cynique, dès qu'il avait vu la ruine des espérances de son ami Mornant, s'était empressé de l'accabler et de l'abandonner. Le futur ministre s'était jeté dans un fiacre, tandis que de Raville s'en allait pédestrement, rêvant à ce qui venait de se passer et comparant la double déconvenue de M. de Mornant et de M. de Macreuse. En tournant le coin de la rue où était situé l'hôtel de Mme de Mirecourt, de Raville aperçut à la clarté de la lune, alors d'une sérénité superbe, un homme qui marchait, tantôt lentement, tantôt avec une précipitation fiévreuse. L'agitation, la démarche de cet homme attirèrent l'attention du cynique. Il doubla le pas et reconnut M. de Macreuse, qu'une sorte de charme fatal retenait auprès de la maison où était resté le marquis, dont il eût dévoré le cœur si vouloir eût été pouvoir. Cédant à une inspiration diabolique, le de Raville s'approcha du Macreuse et lui dit « Bonsoir, monsieur de Macreuse. » Le protégé de l'abbé Ledoux releva la tête. L'exaltation des plus mauvaises passions se lisait si visiblement sur cette physionomie livide que de Raville se félicita doublement de son idée. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit brusquement Macreuse à de Raville, qu'il ne reconnut pas d'abord. Puis, l'ayant plus attentivement regardé, il reprit « Ah, c'est vous, monsieur de Raville. Pardon. » Et il fit le geste de continuer son chemin, mais de Raville l'arrêtant. Monsieur de Macreuse, je crois que nous sommes faits pour nous entendre et pour nous servir. Nous entendre, sur quoi, monsieur? Nous avons la même haine, c'est déjà quelque chose. Quelle haine? Monsieur de Maillefort, vous aussi vous le haïssez? À la mort. Eh bien, ensuite, monsieur? Eh bien, ayant la même haine, nous pouvons avoir le même intérêt. Je ne comprends pas, monsieur de Raville. « Monsieur de Macreuse, vous êtes un homme trop supérieur, beaucoup trop avancé, pour vous laisser décourager par un échec. »« Quel échec, monsieur ?»« Allons, il me faut vous mettre en confiance. » J'avais un imbécile ami, c'est vous nommer Monsieur de Mornant, qui poursuivait la même héritière que vous, Monsieur de Mornant. Il avait cet honneur-là. Malheureusement, peu d'instants après votre départ, cet abominable marquis l'a traité comme il vous a traité, c'est-à-dire qu'il a rendu impossible le mariage de la petite Beauménil avec mon imbécile ami. De là, ma haine contre le marquis. Mais que vous importait, monsieur, que cette héritière épousa ou non votre ami ? Diable, mais il m'importait beaucoup. Je m'étais entremis dans l'affaire. J'avais servi de Mornant moyennant une prime promise sur la dot. Donc, le maudit bossu m'a ruiné en ruinant Mornant, comprenez-vous ? Fort bien. Mornant est trop mou, trop veule, trop gras, en un mot, pour tâcher de se relever de cet échec, ou du moins, pour chercher à se consoler par une vengeance. Une vengeance contre qui ? Contre cette petite pécore d'héritière, et incidemment contre cet affreux bossu. Mais je me hâte de vous dire que je ne suis pas de ces farouches butors qui donnent dans le creux d'une vengeance stérile. Je n'admets, moi, qu'une vengeance fructueuse. Fructueuse ? Productive, très productive, si vous le préférez. Et de cette vengeance, je pourrais fournir les éléments. Vous, lesquels ? Permettez, je possède un secret très important. Sur Mademoiselle de Beauménil, sur elle-même. Ce secret, je pourrais l'exploiter seul, très productivement, je crois. Et vous venez m'offrir de partager ? Non pas. Vous me prendriez pour un niais, et vous n'aimez pas les niais. Alors, monsieur, à quoi bon ? Vous n'avez pas entamé une aussi grosse affaire, comme dit mon imbécile d'ami, qui est un homme politique, s'il vous plaît. Vous n'avez pas entamé une aussi grosse affaire que votre mariage avec la plus riche héritière de France, sans appui, sans entregent, sans probabilité de réussite. On ne fait pas de ces fautes-là quand on a fondé l'œuvre de Saint Polycarpe. Fondation qui, par parenthèse, m'a prouvé que vous étiez très fort, et vous a dès longtemps acquis ma sympathie. En un mot, je vous le répète, vous êtes trop nerveux pour subir humblement un échec outrageant. Vous avez peut-être des moyens de vous relever de là, d'arriver à votre but par d'autres voies. Et tant que la petite Beauménil n'est pas mariée, un homme comme vous espère. Eh bien, soit, monsieur, supposez que j'espère encore. Ceci admis, je vous proposerai de mettre en commun vos nouveaux moyens de réussir et mon secret. Si vos espérances se réalisent, nous ne tirerons pas parti de mon secret. Si elles ne se réalisent pas, mon secret nous restera comme une onctueuse poire pour la soif. En un mot, si vous épousez, vous me donnerez une prime sur la dot. Si vous n'épousez pas, je vous donne une prime sur les bénéfices que me procurera mon secret, si tant est que le dit secret ne puisse pas servir vos nouvelles tentatives, comme j'en ai la certitude. Et notez que je ne parle que pour mémoire de certaines influences engourdies, mais qui pourraient être réveillées. Tout ceci mérite attention, monsieur, reprit le Macreuse, après un moment de réflexion, car il commençait à croire, ainsi que le lui avait dit Doraville, que tous deux étaient faits pour se comprendre. Mais encore, ajouta-t-il, faudra-t-il savoir quel est ce secret, quelles sont ses influences. Donnez-moi le bras, mon cher monsieur de Macreuse. Je vais vous parler à cœur ouvert, car je n'ai aucun intérêt à vous tromper, ainsi que vous l'allez voir. Et ces deux hommes s'éloignèrent et disparurent bientôt dans l'ombre que projetait une haute maison sur l'un des côtés de la rue.